Écoute-moi un coup, moi je rappe ce que je ressens. Je te balance ma sinistre conscience sur des tristes sangs. Si t'accroches à l'ambiance, c'est peut-être qu'on se ressemble. Me reproche pas d'être intègre à mes sentiments. Si ça va pas, ça va pas, je peux pas faire semblant. Je peux pas sourire si dans ma tête règne un enfer sanglant. On a tous des blessures perso, la vie m'a bien vie. Certes, d'où vient cette haine, ce mal-être, ce n'est plus un mystère. Je suis qu'une partie de mon père, une partie de ma mère. Et c'est peut-être ce qui explique en partie ma merde. On récolte les blessures de nos congénères. Bon, c'est vrai que je vais pas me plaindre quand tu t'émates, quoi j'ai l'air. En apparence tout va bien, la santé, la formasse, le rap, les potes, la mifa. Mais ça, ça reste la surface. Mon cœur est morcelé, un immense puzzle. Ma vie, une sale puzzle. La tristesse ne cesse de marceler. C'est sur quoi y'a pas l'humeur des Marseillais. Vivre dans cette crise, vivre comme tous ces espoirs scellés.